Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous avons vraiment un grand plaisir à accueillir Anouk Gingras. S'il y a parmi les gens qui nous écoutent des auditeurs fidèles à Futur Simple depuis 20 ans, ils se souviennent peut-être de ce nom, Anouk Gingras, car elle faisait partie des toutes premières voix de l'émission Bonjour Anouk. Bonjour. Alors Anouk, quel effet ça fait de revenir à Futur Simple, au micro de Futur Simple après 20 ans? Ça fait tout drôle. Oui, c'est certain. Et c'est agréable aussi de revenir faire un petit tour comme ça. Je suis bien contente. Parce que tu as vraiment fait partie de l'équipe qui a monté l'émission, hein? Oui, au tout début, en fait, il y avait une équipe qui avait commencé à recruter des gens pour démarrer l'émission et je me suis portée volontaire assez rapidement parce que la science et la communication m'intéressaient déjà il y a 20 ans. Donc, voilà. Et comme ça t'intéresse vraiment pour de vrai, t'en as fait ton métier, t'es chargé de projet au Musée de la Civilisation et tu as été notamment responsable de monter l'exposition Nanotechnologie, l'invisible révolution. Oui, exactement, qui vient tout juste d'ouvrir. Oui, ça a commencé quand ce projet-là? Ça fait environ 3 ans que le projet a démarré. C'est à l'instigation de notre partenaire principal qui s'appelait alors Nano-Québec. C'est un organisme là, qui réseaute les centres de recherche en nanotechnologie principalement, mais qui a aussi comme mission de communiquer la science reliée au développement des nanotechnologies. Donc, ils nous ont approchés pour voir si on était intéressés à démarrer un projet d'exposition sur ce thème-là. Et le musée s'est montré intéressé tout de suite. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, 3 ans, on voit que ça prend quand même du temps de concevoir, monter et penser au concept de l'évolution de l'exposition, réunir le matériel. Oui, donc, c'est plus long qu'on pense. Oui, c'est ça, exactement. Hein. Parce que finalement, ça dure presque plus longtemps à préparer que le temps de l'exposition elle-même. Oui, en fait, pas juste ça. Disons que depuis 3 ans, j'ai aussi eu d'autres projets sur la planche. Là. Mais le début, ça démarre toujours un peu lentement. On se pose... moi, ce que je fais souvent, c'est que je pose la grande question à nos collaborateurs. Bon, de quoi on parle? On commence tout simplement comme ça. De quoi on devrait parler dans l'exposition? Donc, on parle de la base. Là. Mm-hmm. Donc, et ensuite, on construit tout ça autour de ça. On trouve nos thèmes, puis on les organise ensuite. Mm-hmm. Donc, justement, les nanotechnologies, c'est quand même un thème assez vaste. Comment est-ce qu'on peut définir ça brièvement, là, un aperçu de ce que ça couvre? En fait, on a tendance souvent à tenter de qualifier les nanotechnologies en disant, c'est quel domaine, en fait, de quel domaine dont on parle, mais en fait, les nanotechnologies concernent tous les domaines parce que c'est plus une question d'échelle dont on parle ici. Mm-hmm. Donc, un nanomètre égale à 1 milliardième de mètre. Donc, quand on va jouer à cette échelle-là, donc travailler, essayer de modifier, de créer des choses à l'échelle du nanomètre, on parle de nanotechnologie. Donc, ça peut concerner à la fois les domaines de la santé, de la médecine, de la microélectronique ou encore du développement de matériaux avancés. Donc, on a essayé de les classer quand même en 3 grands domaines, mais les grands domaines sont tellement vastes justement qu'on peut voir qu'à peu près tous les domaines sont concernés. Mm-hmm. Et pourquoi donc, si je reprends le titre, donc nanotechnologie, l'invisible révolution, pourquoi révolution? Parce que la nanotechnologie, on en entend parler depuis peut-être une vingtaine, 10, 15, 20 ans maximum. Là. D'ailleurs, au début, moi aussi, je me disais, c'est pas si nouveau que ça comme sujet, parce que dans le début des années 2000, disons, on entendait déjà parler. Mais de plus en plus, il y a de plus en plus de centres de recherche qui travaillent sur ce domaine-là. Et c'est une révolution dans le sens où on travaille à une échelle qui est pas du tout semblable à notre échelle à nous, notre échelle humaine. Il se passe quelque chose quand on arrive dans le monde des nanos? C'est ça. On est dans le monde quantique. Donc, on parle de forces complètement différentes de celles qu'on connaît à notre échelle. Donc, les réactions sont pas les mêmes. Ce qui est surtout exploité par les chercheurs, c'est entre autres le rapport surface-volume. Donc, autrement dit, sur une petite molécule ou encore un atome, le rapport, si on en a plusieurs ensemble, le rapport surface-volume va être beaucoup plus grand qu'à notre échelle, finalement. Donc, ce qui rend à cette échelle-là toutes les molécules, tous les atomes plus réactifs. Mm-hmm. Donc, Elles ont plus de surface pour interagir les unes avec les autres. C'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'on exploite, entre autres, à cette échelle-là. Je peux donner l'exemple aussi. Dans l'exposition, on a 2 geckos vivants. Parce que on a voulu diversifier les moyens de présenter les nanotechnologies. Et dans la nature, il y a utilisation de propriétés de l'échelle nanométrique, ces propriétés-là particulières de cette échelle. Le gecko l'utilise au bout de ses pattes. Donc, au bout de ses pattes, il y a des nanostructures qui lui permettent d'adhérer à n'importe quelle surface, mais c'est pas une question de nanoventouse, là, vraiment, là. C'est pas une question physique comme à notre échelle. C'est des forces particulières de cette échelle-là, qui s'appellent les forces de Van der Waals, qui lui permettent de se lier. En fait, les nanostructures se lient à n'importe quelle surface via ces forces faibles-là. Donc, à notre échelle, on pourrait pas penser utiliser ces mêmes forces-là. Donc, c'est un exemple, à l'échelle nanométrique. Le monde est complètement différent, finalement. Mais comme il y a beaucoup de sujets, et c'est quand même assez interdisciplinaire. Bon, tu parles de la santé, l'électronique, photo. C'est ça, l'électronique. Donc, comment on décide de montrer les nanotechnologies, d'aborder tous ces sujets dans une exposition? Oui. Parce que ça pourrait devenir décousu aussi si on montre, je sais pas, un exemple d'application en santé, un exemple d'application en électronique, ça pourrait devenir décousu. Oui, donc comment fait, vous avez fait? Une des premières choses qu'on s'est dit, c'était que ce serait pas intéressant justement de découper l'expo en différents domaines. Parce que c'est pas comme une expo, on la vit, on entre dedans, c'est 3D, donc faut essayer de faire vivre une expérience aussi. Donc une des premières questions qu'on se pose, une fois qu'on a répondu à la question de quoi on parle, on décide, bon, comment on l'organise pour que ça soit intéressant pour le visiteur, là. Donc oui, un des premiers défis qu'on avait, c'était de trouver des objets reliés à cette échelle-là. On se disait, bon, ben on peut pas aligner une série de microscopes puis demander aux visiteurs d'aller voir des nanoparticules. Parce que c'est invisible. En plus, comment on fait pour montrer ces choses invisibles? C'est ça. Donc, on a travaillé fort pour trouver des moyens tangibles pour présenter les nanotechnologies. On a d'ailleurs travaillé avec les chercheurs. Il y a une des questions qu'on leur a posées à un moment donné. Oui, mais là, comment on présente ça? Comment on présente vos recherches? Avez-vous un objet concret pour nous présenter vos recherches? Donc, il y a quelques éléments qui ont émergé de ça. Il y a beaucoup de suggestions qui ont été faites en lien avec, bon, je parlais des geckos tout à l'heure, mais à travers l'histoire aussi, les humains ont utilisé les propriétés de la matière à cette échelle-là pour développer des nouvelles techniques, des nouveaux outils, ce genre de choses-là. Sans le savoir, qui travaillaient avec des nanoparticules, ils ont développé, entre autres, les lames tranchantes des sabres de Damas. Donc, les fameux sabres de Damas qui sont reconnus pour leur tranchant exceptionnel, leur résistance, leur durabilité. Bien, en fait, c'est que la technique qu'ils utilisaient, qui d'ailleurs n'est pas encore complètement connue à ce jour, la technique artisanale s'est perdue, mais on sait par l'analyse des lames qu'il y a des nanotubes de carbone à l'intérieur. Des nanotubes de carbone? Oui. C'est des sabres en acier? Oui. Oui, avec des nanotubes de carbone. Il y a du carbone qui s'est intégré à ça. Et donc, c'est par la technique qu'on a fini par créer des structures en nanotubes de carbone. Et maintenant, les nanotubes de carbone sont beaucoup plus connus et sont utilisés pour améliorer la résistance d'équipements sportifs, entre autres, des bâtons de hockey, des raquettes de tennis et dans toutes sortes de domaines aussi également. Mais les sabres de Damas, finalement, ils utilisaient cette technique. Sans le savoir, ils avaient développé une technique qui faisait qu'il y avait des films de carbone qui s'inséraient, qui se formaient dans les sabres. Et qui donnait la résistance à ces sables. C'est ça. Donc, ça, c'était dans les premières idées qui ont surgi là pour pouvoir illustrer les nanotechnologies. Ensuite, évidemment, on est allé dans les laboratoires, on est allé les visiter, on est allé voir ce avec quoi ils travaillaient. Puis, il y a des laboratoires qui nous ont fourni des prototypes, par exemple. Il y a un laboratoire de Polytechnique Montréal qui travaille avec les nanoparticules pour aller éliminer des tumeurs au cerveau. Ils ne sont pas encore rendus à l'application clinique, là. Mais en fait, eux, ils ont travaillé depuis peut-être une vingtaine d'années à miniaturiser des robots. Donc, leurs premiers robots ont environ 2 cm carrés. Mais ce qu'ils leur faisaient faire au début, c'est qu'ils les contrôlaient à distance avec un aimant et par la résonance magnétique, ils pouvaient les observer. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas encore entrer dans le corps humain à cette grosseur-là. Puis, peu à peu, ils ont travaillé pour miniaturiser leurs robots qui sont devenus maintenant des nanoparticules. Ah oui? Donc, ils sont capables de contrôler des nanoparticules avec des aimants et les suivent par la résonance magnétique et ils peuvent les amener jusqu'au cerveau parce qu'à cause de leur petitesse, ils peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui était un des obstacles majeurs pour aller traiter des tumeurs au cerveau, par exemple. Donc, ça, c'est leur avancée à eux. Puis ce qu'ils nous disent, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est ça. Et ça nous a un peu inspiré aussi parce qu'on a entendu, on entendait souvent parler que la science-fiction présentait les nanotechnologies souvent, influençait la perception que les gens avaient des nanotechnologies. Et là, c'est justement, on a beaucoup entendu dire que les perceptions sont pas toutes les mêmes, sont teintées par toutes sortes de, parfois d'idées préconçues, parfois de réalité aussi, mais les gens ont pas tous la même idée des nanotechnologies. Donc ça nous a vraiment aidé à organiser notre contenu, puis l'exposition est vraiment formée en fonction de ça. Donc, dès qu'on entre dans l'exposition, on fait une introduction, là, on parle de l'échelle du nanomètre, tout ça, mais ensuite, on demande tout de suite aux visiteurs de se prononcer. Êtes-vous plutôt oui pour le développement des nanotechnologies ou plutôt non? Okay. Donc, on lui demande de se prononcer. Il va faire un parcours différent selon son choix. Ça veut dire qu'il y a deux entrées à l'exposition. Oui. Selon qu'on soit pour ou contre, on va rentrer d'un côté ou de l'autre. Oui, exactement. Et c'est un parcours en boucle, dans le fond. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on ramène le visiteur à ses idées préconçues de chaque côté en lui parlant de science-fiction, donc de ce qu'il a pu voir, finalement, comme représentation des nanotechnologies. Et peu à peu, on l'amène vers la réalité. Dans les deux côtés, finalement. Ouais. Donc, au début, il se fait conforter dans son idée de départ. Donc, s'il entre du côté du oui, il se fait dire « Ah oui, vous avez vu ça là, tout ça. Mm-hmm. » Ensuite, maintenant, voici c'est quoi la réalité d'aujourd'hui. Donc là, on a des objets commerciaux. Mm-hmm. Donc, où sont les nanotechnologies réellement autour de nous? Donc, des deux côtés. Et ensuite, peu à peu, c'est quoi le futur réaliste là? Qu'est-ce qui va se passer vraiment dans le futur avec la recherche en nanotechnologie? Et là, quand on arrive dans la fin du parcours, ben on refait cet élément-là à l'envers, mais avec l'autre point de vue. Donc quand avec on ressort, négatif, c'est ça. Pour teinter un petit peu le côté positif qu'on a au début quand on rentre par le côté positif, on fait le parcours, puis là après à la fin on voit les côtés négatifs et ça nous remet un peu en question. C'est ça, on veut bousculer en fait les idées préconçues, on veut, en fait l'objectif principal de l'exposition c'est de dire informez-vous, peu importe le sujet en fait, là, informez-vous avant de vous prononcer, puis vous allez avoir une meilleure opinion, une opinion plus éclairée. Puis les nanotechnologies se portaient bien à ça parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Parce que dépendamment de quel domaine dont on parle, des domaines qui nous touchent d'un peu plus proche comme la santé, la médecine, et des domaines qui sont un peu plus loin. Par exemple, quand on parle de microélectronique, ça se retrouve plus dans nos appareils que dans nous. Donc, ça peut peut-être être moins inquiétant pour certaines personnes. Donc, selon le domaine dans lequel on parle, on peut être plus ou moins touché ou avoir une position différente. Et selon les nanoparticules dont on parle aussi, c'est pas toujours les mêmes effets potentiels, même si les effets sont pas beaucoup étudiés jusqu'à maintenant, là. Mais entre une nanoparticule d'or ou un nanotube de carbone, les effets pourraient être complètement différents sur le corps, sur l'environnement, ce genre de choses-là. Il y a pas beaucoup d'études qui sont faites. Donc, les gens qui ont très peur des nanotechnologies, ben, ils ne peuvent pas avoir peur de tout en même temps non plus parce qu'on ne le sait pas encore quels sont les effets. Donc, eux, ils rentrent du côté non, puis là, bon, ils voient effectivement tous les côtés un peu négatifs, un peu obscurs, puis ils cheminent à des travers. Des exagérations aussi de la science-fiction, donc, qui imaginent des nanorobots qui envahissent le corps et envahissent la Terre et tuent toute la vie, là. Il y a ça dans plein de films ou romans de science-fiction ou jeux vidéo même. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a voulu représenter aussi, c'est de dire, ben, des nanorobots, quand on parle de nanorobot, là, ça ressemble pas à un robot, là. Ça ressemble pas à Terminator. C'est vraiment pas ça, parce qu'on a Terminator qui nous accueille dans l'exposition. Mais donc, ça ressemble pas à ça du tout. Quand on parle de nanorobot, on parle plus d'une molécule, par exemple, d'un amas d'atomes, ce genre de choses-là. Ça ressemble plus à ce qui existe autour de nous déjà, là, même si ça peut être synthétique parfois. Là. Donc, c'est pas du tout le même monde. Donc, on replace un peu la réalité. Là. Ouais. Malgré tout, parce que ça a l'air quand même assez complexe. Donc, à partir de quel âge on peut aller voir cette exposition? Nous, en premier lieu, on a décidé de viser un public assez précis. On a tendance des fois en sciences et en muséologie là, à viser les jeunes enfants. Hein, on veut que stimuler les carrières scientifiques, on veut, bon, ça revient souvent, c'est un objectif qui est très noble, mais nous on se disait avec un sujet plus complexe comme ça, peut-être qu'on est mieux de viser un autre type de public. Et comme c'est un sujet qui porte à la réflexion avec des questions sociales, éthiques, tout ça, on s'est dit, pourquoi pas les jeunes adultes? Donc, on a visé un peu ceux-là en premier, en adoptant un peu aussi le mode, ça nous fait penser un peu à ce qui peut se passer dans certains réseaux sociaux, de se prononcer avant même de connaître le sujet. Donc, c'est ce qu'on leur fait faire en faisant choisir oui ou non au début, puis se rendre compte à la fin qu'il y avait peut-être pas assez d'informations pour se prononcer. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a eue, sauf que ça s'adresse quand même à tous les publics, là. Oui, puis j'imagine on a que pensé les geckos, à eux en particulier, les geckos. Les geckos vont attirer tous les enfants de toute façon. Oui, puis il y a des activités prévues pour les enfants avec des guides animateurs, tout ça. Donc, il y a un niveau aussi d'information qui est adapté pour les enfants. Parce que les nanotechnologies, c'est assez complexe, là. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on visait pas tant les enfants, mais il y a des activités prévues pour eux et on va plus à leur expliquer peut-être c'est quoi les atomes, les molécules, donc la base qui va leur permettre de comprendre déjà l'échelle dont on parle. D'accord. Donc là, l'exposition vient juste de commencer cette semaine. On a combien de temps pour aller la voir? On a un an. Un an? Donc, c'est tout neuf, mais l'exposition va être ouverte jusqu'au 2 avril 2017. Et ensuite, elle va peut-être même se promener à travers le Canada parce que c'est une exposition qui est conçue pour être itinérante. Ah. Donc, tous les modules sont modulables, finalement, sont interchangeables. On peut l'adapter pour aller dans d'autres salles. Donc, ça se peut qu'elle soit là encore un bout de temps. Mais à Québec, c'est jusqu'en le 2 avril 2017. Donc, une année pour aller voir de plus près ces nanotechnologies pour... Et pour participer. Et pour participer, exactement. On n'a pas parlé de notre partie très interactive, là, qui nous permet de nous prononcer au fil de l'exposition. C'est ça, il y a des questions, et puis il faut essayer de se prononcer là, au fur et à mesure qu'on chemine avec les pour et les contre. Oui, puis à la fin, on a nos résultats, puis on voit si on a changé d'idée, finalement, après la visite de l'exposition. Ou pas. Donc, on vous invite à aller faire votre cheminement à travers les nanotechnologies, à peut-être mettre en question vos idées, en en prendre davantage. Sur les nanoparticules, ça se passe au Musée de la Civilisation et vous avez un an pour le faire. Alors, merci beaucoup, Anouk. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. On fait une pause musicale maintenant sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle d'un autre événement qui aura lieu également au Musée de la Civilisation et qui s'appelle Décoder le monde.